vie à ceux que l'on croise, que l'on connaît à peine, qui vous disent un mot, une phrase, vous accordent une minute, une demi-heure, et changent le cours de votre vie. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Destination Série. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de la 24e saison. Et là, je vous laisse en charmante compagnie avec un nouveau numéro de l'Académie Fadjet, entièrement piloté par Benoît. Et bon week-end avec nos séries préférées, bien sûr. Merci Sylvain, merci Laurent. On se retrouve donc la semaine prochaine à 18h. Il est 19h, c'est l'heure de retrouver la 5e équipe de l'Académie Fadjet. Je salue Sous Hélène. Bonsoir Sous Hélène. Bonsoir Benoît, bonsoir à toutes et à tous. En forme ? Ça va. Tu as le doigt sur le chronomètre. Oui. Petit instrument précieux qui devient précieux de plus en plus chaque semaine. Et voilà, donc on pourra entamer cette émission. C'est quand tu veux. Fadjet. Fadjet. Une radio locale, citoyenne et solidaire. À table, il est 19h. L'Académie Fadjet. L'Académie Fadjet. Avec ce soir. Ce soir, une équipe de compétition. Avec une nouvelle. Une nouvelle Noémie qui sait nous mettre de l'huile dans les rouages le samedi matin avec ses chroniques sur la communication. Elle est venue ce soir avec Zoé, sa fille. Bonsoir, vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Zoé. Et des anciens. Des anciens, oui. Des anciens, des anciennes, animatrices, ex-membres du conseil d'administration de la radio, actrices, écrivaines presque. Elle a presque tout fait ici, Edith, bonsoir. Bonsoir Benoît, bonsoir Sous Hélène. Bonsoir Edith. Un autre ancien fan de BD, entre autres, puisqu'il animait avec Edith d'ailleurs il y a quelques années de ça, Mystère et Bulle de Gomme. Bonsoir Daniel. Bonsoir Benoît, bonsoir Sous Hélène. Et enfin, bonsoir à tous. Le patron, le deuxième. Le boss. La semaine dernière, on avait le premier. Mais il n'y a pas d'ordre. Hein. Mais bon, il est passé avant lui. On avait donc Jean-Luc, le patron de la technique. Alors ce soir, c'est le patron des programmes. Alors là, je flippe. Sous Hélène me dit, c'est foutu. Dans 5 minutes, on est chez soi. Bah presque. Quoi que ça m'arrange. Entre Edith et Yves. Hein. Voilà, donc, mais. Non, mais parce que le directeur des programmes, comment voulez-vous piéger un directeur des programmes qui reçoit tous les animateurs, qui écoute toutes les cassettes, qui a écouté, qui a découvert. Je me mets la pression. Noémie, bah, il faut que j'essaye un peu, hein, parce que. Pour essayer de te déconcentrer. Parce que nous, on lui a mis aussi avant. Hein. On lui a dit, je te préviens, les questions sur Fadjet. Alors, il y en a, mais peut-être des faciles. Parce que je vous rappelle que ces petites questions-là, eh bien, c'est le hasard qui va faire. Vous pouvez très bien tomber sur qu'est-ce qui passe le vendredi à 18h. Enfin, ce serait dur. Il faut répondre. Non. Ou d'autres. Hein. Enfin, voilà. En tout cas, vous avez compris. Ce soir, on va jouer peut-être vite. Vous savez que pour l'instant, c'est assez marrant parce qu'on marche. On fait des marches, on monte. Et 40 marches qui nous amènent tout au sommet pour fêter les 40 ans de Fadjet. Et chaque semaine, eh bien, c'est l'équipe qui est en tête. Donc, est-ce que ce soir, vous serez en tête? Nous le saurons tout à l'heure. Alors, avant de commencer, il faut un nom d'équipe et il faut une musique. Alors, vous m'avez déjà donné... Hein, on a la eu musique, des... on l'a. La musique, on l'a. Elle est déjà prête. Est-ce que vous donnez votre nom d'équipe tout de suite? On va laisser faire Daniel. On va voir si tu trouves. On va voir si tu trouves. Parce que, évidemment, on va te faire une émission un peu spéciale. Alors, d'accord. Parce que là, déjà, la semaine dernière, c'était les Yev de Jet de Fin. Hein. Déjà, voilà. Nico, il a fallu que j'écrive. Les vieux. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Ah. Juste avant de commencer, là, j'ai écouté la semaine dernière, les mecs ils s'y croyaient, tout ça, nous on a gagné la coupe, tout ça. C'est vrai qu'ils l'avaient. Moi je trouve ça, c'est un manque de fair play quoi. Et d'ailleurs, moi, donc, je ne suis pas de ce genre-là, n'est-ce pas? Et et je n'ai rien amené. C'est vrai, t'en arrives aussi. Et oui, moi aussi j'ai une coupe de Fadjet. Je me rappelais plus. Académie Fadjet. Donc, oui, c'est la même date. Le 2 juillet 2004. Non, c'est pas la même date. C'est assez drôle, là, ils ont tous des coupes. En fait. Voilà. Que, comme quoi, c'était donc, un très beau souvenir. J'avais dit, hein, des compètes, une équipe de compétition, voilà. Une autre équipe de compétition. Ça met pas donc, la pression. On va aller très vite, oui. Très vite. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi ce nom d'équipe. Ça s'appelle les Halles. Et voilà ce blanc derrière. Les Halles. C'est incompréhension. On a été pareil, mais maintenant qu'il nous a expliqué, on a compris pourquoi on s'appelait les Halles. Là, il y a quoi ? C'est des vos initiales ? Non, non, bah, non, pas du tout. Ah bah tiens, qu'il y a LZ de Zoé, mais non. Il y a LZ de Zoé, ouais. Non, non, alors... non, nous nous trouvons donc. C'est un rapport avec Fadjet. Oui, nous nous trouvons où ? Rue Charles III, donc. Non, oui, à Fadjet. Fadjet. Donc les Halles. Les Halles. Des choses qui vont très très vite, tu vois. C'est dans les ciel, le blanc, rouge, des véhicules qui vont très vite. Hélène, mets le chrono en route. Pense à la patrouille de France. Des avions, tu prends tout quoi, ton temps, Benoît. Des Halles. Des Halles. On est où ? Les Halles. Les Alpha Jet. Oui, les Alpha Jet. Les Halles. Tu connais pas les Alpha Jet ? Les Alcar. Ce sont les avions de la patrouille oui, de France. Oui, oui, les Alpha. Donc on est les. Tu vois, enfin, l'idée, tu vois. Au début, les Alpha Jet. Waouh ! Ouais, voilà. Ça donne le ton de l'émission. Maintenant, il va se venger. Ouais, ça va être. Voilà. Je pense que toutes les équipes qui nous écoutent ce soir disent on va passer un. Jean-Luc m'a dit. Déjà, ce que j'en ai vu tout à l'heure, c'est foutu. Il y croit pas, Jean-Luc. Bah, il se restait 8 minutes sur une question. Ah oui, alors non. Oui. Attends, une question à 10 points. On est d'accord. Alors donc, les Alphes, on écoute votre chanson. Les Halles, pardon. Alors c'est Zoé qui l'a choisi. Alors. Tu veux la présenter, Zoé ? Ah, en fait, c'est une surprise que je te fais. Ah bon. Tout le monde joue dans les... c'est une chanson parce que je sais que tu aimes. Ah, c'est la... Elle est... En ce moment, avec les jeunes, la musique ah là... Ah oui, attention. C'est une chanson de K-pop Demon Hunter. Ah oui. Ah. Gagné. C'est un film. Et bah, tu sais qu'elle a été très très longtemps numéro 1 du Hot 40, le classement de la radio. Et là, elle s'est fait un peu battre par Taylor Swift, depuis que Taylor Swift est revenue. En tout cas, c'est donc la chanson en français ou en anglais que tu as choisi ? Moi, je préfère en français. En français. Donc, ça s'appelle Briller, c'est ça ? Oui. Bien, bien. Allez, c'est pour Zoé, c'est pour vous qui nous écoutez, la version française d'Antrix, Briller. Voilà. Dans le silence depuis l'enfance, je me cache, je m'efface. En lumière, comment me faire cette place? Moi qui suis née pour que l'on me voie. Entre deux filles, dis-moi qui je suis. J'ai besoin de trouver ma place. Je connais les conflits, je fais trop de bruit. Mais j'ai pas peur de mon audace. Regarde-moi bien en face. N'être que moi. Par le passé, j'ai caché ses marques loin. J'ai tant menti, oh oui, bien trop de fois. Mais j'en ai assez, je veux briller à travers. On veut briller. C'est clair, ils l'annoncent dans la chanson, ils sont là pour briller. Hein. C'est texto ce que chante... les paroles de la chanson. Donc, on va voir. Donc, bienvenue dans cette Académie Fadjet spéciale 40e anniversaire et dans la tradition des grands jeux de l'Académie. 40 minutes pour atteindre la 40e marche. Pour atteindre cette 40e marche, c'est facile. Il suffit de répondre à des questions. 6 catégories. Je les répète brièvement parce que maintenant, je pense que vous commencez à être habitués. Des questions solidarité parce que Fadjet est un projet solidaire. Des questions insertion parce que Fadjet a la mission de venir en aide à un public en difficulté et particulièrement aux jeunes. Des questions émissions parce qu'il y a des émissions. Des questions cuisine parce que la cuisine. Il y en a qui l'ont découvert. Hein. C'est pas vous qui êtes ici. Je vais vous dire que la cuisine à Fadjet, c'est un endroit crucial. Mais franchement, plein de jeunes qui n'étaient pas là au début, et ben, pour eux, la cuisine, ben, voilà, c'est là où on prend le café quand on a fini 94-2. Mais ce n'était pas que ça. Exactement. Des questions musique, bien sûr, parce que Fadjet, c'est de la musique. Et des questions culture, parce que c'est une radio et qu'on fait aussi de la culture. Pour atteindre la 40e marche, l'équipe va tirer au sort les catégories ici présentes, à minima une de chaque, mais peut choisir le nombre de marches à gravir entre des questions à 1, 3, 5 et 10 marches. La question à 10 marches et ne peut être utilisée qu'une seule fois. Arrivé à la 40e marche, l'équipe entonne la chanson finale parmi une liste définie que l'on vous a présentée tout à l'heure. Alors, atteindront-elles la 40e marche? Moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de suspense, et surtout en combien de temps? Sous Hélène, eh bien, 3, 2, 1, c'est parti! Regardez, je vois le compteur qui tourne devant là. C'est le mien qui fait foi. On a notre compteur. Hein. Rigole pas, hein, attention. Oui, c'est celui de Solène qui compte, hein, parce qu'elle a pas les mêmes minutes. Ou les mêmes secondes, ça, plutôt. Oui, les mêmes secondes. Allez, honneur à la demoiselle. Allez, Zoé, prends-moi une petite carte. Hop, et tu me dis... Solidarité. Solidarité. Question solidarité. Allez. Hop. Bonjour Stéphane. Oui, on pense à Stéphane. Oui, déjà la semaine dernière. Toutes les semaines, on va penser à Stéphane. J'aime bien. C'est une question... On ne doit pas choisir le nombre de points avant de l'avoir entendu? Oui, bien sûr. Après, c'est moi qui me plombe toute seule en disant ça, mais... Non, tu as raison. Ils connaissent bien les règles du jeu, c'est bien. Prends 5 points. T'as écouté. 5 points. 5 points. 5 points. Tout le monde est d'accord apparemment. Bon, on va dire 5 alors. C'est une question audio sous oui, Hélène. 42, hein, ça c'est pour la réponse, tu as le temps. Hein. D'accord. 42 c'est la réponse, toujours. Il ne faut pas que je la mette... Pas tout de suite. 32. Allez. Alors là, je pense qu'on va avoir besoin de notre expert en direction des programmes, mais je pense que ça va... Il est parti, je vois partir au loin. Là. Qu'est-ce que le GESCODE? Moi, pour avoir participé au marché du monde solidaire, il y a un truc avec ça. Il y a un truc, le GESCODE, il fait partie de... Alors, si tu me demandes précisément ce que ça veut dire GESCODE, ça va être compliqué. Bah oui. Tu veux juste à quoi ça sert? Ouais, non, mais j'aimerais bien... Alors, le S, ça doit être solidaire. Ça s'écrit comment déjà? GESCODE. Voilà, c'est ça. Groupe. C'est un groupe. Groupement d'économie solidaire. Attends, GES. Social. GES, code. Collectif. Solidaire et social, parce que souvent ça va est-ce avec. Est-ce que D, c'est départemental? Ça peut durable. Être départemental, O, ça peut être orange, mais c'est certainement pas ça. Deux S. Non, je pense Olivier. Pas. Olivier. Mais quand c'est... Au ouais, secours. Organe. Rappelle-toi de tes souvenirs d'interview. Oui, mais non, est-ce mais... Est-ce qu'il y a au moins un mot qu'on a de bon là-dedans? Le G et le E, c'est facile. G? Le G et le... Oh, ben on a dit, c'est pas groupe. Groupement, groupe. C'est pas groupe. Groupement. Gestion. Non. Gérard. Si c'est facile, c'est quoi? C'est simple. C'est pas difficile. G. Si c'est facile, c'est... G-E, c'est le début d'un mot? Le premier, oui. Ensemble, alors. Gérard. Génération. Non, génération, ça, c'est deux. Geste. C'est deux mots différents. C'est deux mots différents, mais qui... Genre. Qui se regroupent et qui forment un grand tout. Il ne faut pas qu'on passe 8 minutes sur une question. Ah ouais, hein. Il faut arrêter de me regarder. Si, là, quand même. Vous avez le temps. Et toi, tu es censé savoir. Non, on n'a pas le temps. Non, tu ne sauras pas. C'est en lien avec le marché du monde solidaire. C'est... C'est quoi alors? Ça sert à quoi dans le marché du monde solidaire? Essaie de me le géographier. Grand Est. GESCOD. Ah, du Grand Nancy. Grand Est. Grand Est. G-E, c'est Grand Est. GESCOD solidaire, Grand Est solidaire. Bah, c'est bizarre, ça. Ça veut rien dire, commencer par grand. Alors, pas social, si ça veut social. Pas solidaire, mais presque. Social. Social. Solidaire, mais en... Solidarité. Voilà, hein? Daniel. Grand Est solidarité. Il parle peu, mais... voilà. D'où le nom de la question. Hein. Grand Est solidarité, oui. Après... Je ne sais même pas si je l'avais cité. Centre. Geste. Centre. Après, il y a un C. Coopération. Coopération, c'est pas mal. Coopérative. Bravo Noémie, coopération. Donc Grand Est, solidarité et coopération. Il manque. Autour. Il manque le D. D. Non. Bah, c'est pas départemental. Départemental? Non, bah non, parce que c'est Grand Est. Bah non, parce que c'est le Grand Est, oui. Difficile. Durable. Durable, c'est pas mal. C'est pas mal, mais. Ouais, développement? C'est... Développement, c'est alors, pas... Alors, on leur met dans l'ordre. Alors, Grand Est. Solidarité. Et coopération durable. Coopération... Coopération durabilité. Non, durable. Solidarité, durable. Coopération durable. Durable. Durablement. Je l'ai dit tout de suite. Non, c'était pas durable que t'avais dit. Si, j'ai pas dit durable. Ah non. Non, t'as dit autre chose. Non, j'ai dit autre chose. On a déjà oublié. Il y avait un bon qu'on n'a pas... Ah oui, il a été dit, alors je suis... Départemental. Développement. Départemental. Alors oui, alors allons-y. Développement. Départemental. Donc, Grand Est. Solidarité. Le où c'était quoi? Coopération. Coopération. Pour. Départemental. Pour le développement. Pour le développement. Ah. Allez, on écoute. Oh là là. Alors, vous êtes vice-président du GESCOD qui organise avec le département de Meurthe-et-Moselle ce rendez-vous. GESCOD pour Grand Est Solidarité et coopération pour le développement. J'avais la je ne m'écoute pas, tu sais, en quelques mots, ce réseau. Alors, le GESCOD est ce qu'on appelle un RRMA, c'est-à-dire un réseau régional multi-acteur. Il en existe dans quasiment toutes les grandes régions françaises. Ce sont des structures qui sont reconnues par l'État et en partie d'ailleurs financées par le ministère des Affaires étrangères et en grande partie aussi par le Conseil régional. Donc ces structures, les RRMA, donc la partie GESCOD, regroupent toutes les structures de solidarité internationale, bien sûr, qui veulent bien y adhérer. Qu'elles soient totalement impliquées dans la solidarité internationale ou partiellement, ce qui fait qu'on y retrouve des associations de solidarité internationale. Voilà, donc c'était le GESCOD, et comme GESCOD, et comme tu l'as dit tout simplement, effectivement, ils étaient au marché du monde solidaire le week-end dernier, et effectivement, on a pu... Ils font partie des organisateurs, hein, c'est ça? Exactement, c'est eux qui l'organisent. Pour le Grand Est. Bah, on a trouvé. J'avoue que c'est... pas grâce à moi, mais on l'a trouvé. C'est un peu... Mais par contre, c'est grâce à toi. C'est toi qui l'as dit. Groupe, hein, c'est toi qui as interviewé. C'est grâce à toi, parce que j'ai découvert ça. Je suis allé très souvent, enfin presque tous les ans, enfin, au marché du monde. Hier. J'avais jamais entendu parler que c'était le fameux GESCOD qui l'organisait. Est-ce que vous connaissiez cet organisme? Moi, oui, parce que j'étais bénévole au MAN, au Mouvement pour une alternative non-violente, pendant plusieurs années. Et quand on préparait le stand, on savait que notre interlocuteur, c'était le GESCOD. Voilà. Et donc, en plus, c'était très très sympa. J'ai eu l'occasion d'y manger en plus le midi. Et c'est vraiment, c'est la solidarité. On mange tous autour d'une même table. On peut discuter avec son voisin qui tient un stand ou avec quelqu'un qui vient juste en tant que visiteur. Et c'est souvent des plats du monde. J'ai découvert, je sais plus, un plat africain, je crois, la fois où j'ai mangé là-bas à midi. Et ouais, c'était très bon. Moi, c'était aussi quelque chose un peu réunionnais ou je sais pas quoi. C'était vraiment excellent. Et à un prix modique. C'est vrai. Je tiens à souligner que maman n'a pas vraiment beaucoup gagné d'argent pendant la période. Oh, ma question! Bah oui. Parce que l'économie solidaire, c'est pas ce qui fait gagner sa vie. Voilà, parole d'enfant, mais c'est aussi... C'est du bénévolat, en fait, hein, quand on va aider au marché du monde solidaire. C'est pas gagner d'argent pour faire ça. Non, mais en tout cas, c'était un acte de solidarité. Et c'est très très bien. Ici, on en fait beaucoup aussi parce qu'on est beaucoup de bénévoles quand même ici. Hein. Allez, donc ça fait quoi? Vous aviez pris 5. 5 hein. Points. 10 5 Non, c'était 5. 5 minutes. Ok, allez. Allez, on continue. Et ben justement, puisqu'elle n'a pas beaucoup gagné, on va lui faire tirer une carte. Noémie, bon. Culture. La la la la. Allez, culture. C'est tout le monde. Une question culture. Une question culture, 47% l'utilisent et sont à l'aise avec. Mais ils sont à l'aise avec quoi ? 47% l'utilisent. L'IA ? Ah non, il y en a plus. L'IA. Ah oui, l'IA. L'IA, c'est une bonne... C'est quelque chose de... Informatique, moderne ? Informatique. Oui, ça... C'est concret. C'est un outil. C'est un outil. Un outil concret. Ouais. Ouais. 47% après, de quoi ? Quand tu as dit l'IA, t'es pas très très très loin. GPS ? ChatGPT ? Ah ouais. Alors que... Oui, c'est quasiment... Google ? C'est en fait 47% utilisent l'intelligence artificielle pour converser sur leurs sentiments. Ah leur... oui. Oui, j'ai entendu ça ce matin. Je trouve que c'est énorme. Ça me paraît énorme. Il y a toujours des bons conseils. Il y a même une japonaise qui s'est mariée avec l'IA. Qui s'appelle je sais plus comment au Japon et ils organisaient un bon mariage. Effectivement, moi je trouvais ça énorme. Parce qu'ils sont toujours d'accord avec toi, l'IA. Ça veut dire que sur 100% des gens qui utilisent l'IA, il y en a 47% qui l'utilisent pour converser avec quelqu'un. C'est ça que tu dis ? Non, ça veut dire que ceux qui utilisent une intelligence artificielle conversationnelle, c'est comme ça que ça s'appelle, eh bien 47% sont à l'aise avec. Et donc l'utilisent en fait. Je tiens à souligner qu'une IA n'a pas de sentiments. Voilà, c'était une information. Et ne gagne pas d'argent. Et là, vous n'avez pas dit combien de points vous gagnez. Eh oui, c'était 10. On avait mis 10 points. Moi, j'ai pas entendu. C'est vrai qu'on l'a pas entendu. Bah, on l'a pas dit en fait. Non, allez, soyons honnêtes, on aurait mis 5. Qu'on part sur du 5 points. Tout le monde. Il y a une faille dans mon jeu, c'est qu'effectivement, je n'aurais pas dû mettre trop de questions à 5 points. Mais trop tard. Maintenant, je peux plus revenir en arrière. Donc, du coup. Il y avait un journaliste qui avait posé comme à l'IA la question « Pourquoi les chauves sourient ?» Et elle avait du mal à répondre, à comprendre que c'était de l'humour. Bah oui, c'est vrai. Il fallait lui expliquer que c'était en fait une question à l'humour. Et c'est vrai que maintenant on fait faire tout à l'IA et c'est quand même, ça fait peur un peu quand même. Hein. Et bon, c'est... Surtout en musique. Oui, c'est dramatique, parce que voilà, Jean-Luc nous a remixé les chansons avec des voix. On ne voit pas la différence. On ne voit pas la différence. Ça se trouve, on écoute plein de titres à la radio qui sont faits par des IA. Nous-mêmes, nous sommes des IA, tu ne le savais pas. Oui, c'est vrai. Allez, on continue. On continue dans les demoiselles, ou dans les dames, plutôt, Edith, à toi. Dame, quand même. Musique. 5 points. Question musique. C'est noté. Ouais. Là, on compte sur la jeunesse. Hein. C'est qui a dit question musique ? C'est Stéphane qui était là la semaine dernière. Sur toi. Ah, mince. Alors, c'est quand même assez marrant. C'est quand même les 80. Goldman. Oui, c'est un tirage aléatoire. Jean-Jacques Goldman. Je vous jure, c'est aléatoire. Il n'y a pas d'extrait ? Ça y est, j'ai répondu. C'est Michael Jones. Il n'y a pas d'extrait, non. Si, c'est à la fin. C'est après. 35, s'il te plaît. Allez, ça va. Allez, ça fait moins de 10 secondes, ça. Ouais. Vas-y. Mince, on n'a pas Jean-Jacques Goldman. On a dit 5 points, hein, c'est ça. Une chanson de Jean-Jacques Goldman, effectivement. Qu'est-ce qui colle à la peau de Jean-Jacques dans la chanson Envole-moi ? Ah oui, cette fatalité. Ouais. Voilà. Et ben voilà, c'est dit. C'est la fatalité. C'est même pas Edith qui répond. C'est même pas moi. Non, mais parce que moi, c'est pas celle que je préfère, tu vois. C'est pas celle que je préfère. Je suis désolée. Mais. On n'est pas mauvaise en musique en réalité. Cette fatalité qui me colle à la peau. Ouais, c'est un petit peu comme ça. Envole-moi, envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, envie ma tête d'autre horizon d'autre. Moi, je l'ai vu en vrai chanter cette chanson avec la scène qui se met à la verticale. Ah, oui. Ah c'était beau. C'était fantastique. Et tu as quel âge, Noémie ? Oui. Oh, je suis tellement jeune. Oui, ben je l'ai vu aussi. Mais je suis née en 80 et j'avais 20 ans en l'an 2000. Donc, oui, je l'ai vu. Quand on aura 20 ans. L'an 2000. Non, ne te chante pas, Daniel, s'il te plaît. L'an 2000. C'était juste. C'était juste, oui. Juste, on a tous reconnu Pierre Bachelet. Oui. Et c'est pas Pierre Bachelet maintenant. Et bim, 15 points. Parce que là, Pierre Bachelet maintenant. Voilà. Pas trop en état. Je chante pas juste. Allez, Daniel, justement, tu as chanté. Allez. Tu as le droit de tirer. Hop. Question émission. Oh, 10 points. C'est bien, ils vont dans l'ordre là. Yves. Question pression, émission. Bon. Allez, on a le gros spécialiste. 10 points. J'aime bien ça. Peut-être. Il n'y a pas d'extrait. Si. Ah mince. Si. Allez. Mince, on n'aurait pas. Numéro ? 13. C'est une des premières questions, vous voyez, qui a le numéro là. Les Bouches-du-Rhône, Marseille, j'ai trouvé. Oui, non, mais c'est pas une émission. Ah, c'est pas ça. L'émission Les Bouches-du-Rhône, peut-être un jour. Très en forme. Très à table. Ah. Très à table. Ah, très en forme, oui, c'est vrai, mais c'est pas ça. Saviez-vous que les pirates étaient romantiques? Où auriez-vous pu l'entendre? Pardon. Sur la mer azurée, aux reflets radieux, nos pensées sans limite et nos cœurs sans entrave, aussi loin que la brise et le flot écumeux, parcourent cet espace où nul n'habite esclave. Contempler notre empire, un domaine infini où tous, rois et sujets, concourent tributaires. Notre bannière, un sceptre en tout lieu, obéi par des confédérés, légions volontaires. Il s'arrête quand? Non, il a... Salut Lucas. Alors ça, c'est une émission littéraire, ça, de Fadjet ou... Oui. Vous trouvez le nom de l'émission? Il y a un jeu de mots dans le titre de l'émission, en fait, d'ailleurs. Où vous trouvez? On aurait pu entendre ça. Ah oui, dans une émission qui est diffusée le dernier mardi du mois, à 19h sur Fadjet. Alors, je vous écoute. Ah ben non. Yves, on a mis 10 points parce qu'on comptait sur toi. Alors, vous n'aviez pas dit les points? Si. On les a dit 3-4 fois. Si, on avait... Et c'était quoi? Attends, je vais vous faire deviner. Vous aviez dit quoi? Ah non. T'as raison. C'était quoi? C'était... Luc, ben c'était un extrait de poème. Oui, voilà. Une émission de poésie. Voilà. Moi, j'en ai fait une émission de poésie aussi. Je vais faire ma pause. Pour les grandes oreilles. Mais non, arrête de nous faire mariner. Non, ben oui. Donc, c'est Lucas, l'émission poétique. Voilà, les derniers mardis du mois. Très bien. Eh ben, il est très bien, ce Lucas. Les pastilles poétiques. Les pastilles poétiques. Je vais prendre mon cachet aussi. Voilà. Mais t'aurais pas dû faire les gros yeux. Ouais, je suis trop gentil. Les pastilles poétiques, effectivement. En préparant cette émission, j'ai découvert que notre station avait des... Une diversité. Incroyable, avec une qualité... D'ailleurs, il y a une nouvelle qui est arrivée, là, qui vous fait dormir. Enfin, qui vous fait dormir, non, là... Ça s'appelle la sieste, mais un jour, on aura peut-être l'occasion de jouer avec lui, mais franchement, c'est... Très intéressant. C'est du haut vol. Donc du coup, c'était ça. Et c'est pas pour faire la sieste. C'était donc, effectivement, Lucas, un tout nouveau format, et ça fait pas... Oui, c'est pendant 20 minutes, effectivement, on écoute de la musique et surtout de la poésie. Et t'avais entendu les 10 points, parce que moi j'ai pas... Oui, c'est vrai, non. Ils l'ont dit, y a pas de problème. Ça fait donc 20, c'est ça, si je 25. 20 25. Il nous reste 3 questions, Benoît. Ça va, je pense que je ne vais pas liquider mon stock de questions beaucoup cette semaine. Hop, allez, bah, il reste 2. C'est qui? Yves n'a pas tiré. Cuisine. Ah. Combien de points pour la question cuisine? 5. Cuisine. On avance. 5. Vous êtes optimiste là. Bah, de toute façon, on les perd pas. Si on se trompe. On les perd pas. 5. Quelle épice valait autrefois son poing en or? Moi, je sais. Eh ben, on va citer toutes les épices. Oui. Tu connais des épices? Tu connais des noms d'épices? Par exemple, la cannelle. Je dirais le curry. Le curry, tu dirais? Le safran, c'est une bonne idée. J'aurais dit le safran, ouais. Moi, j'aurais dit le curcuma. Ça tombe bien. Mince. Alors, le sel. C'est une épice, le sel. C'est pas une épice, le sel. Non, on considère pas que c'est une épice, le sel. On peut poser des questions sur la couleur. Son poids en or. Et c'est autrefois, il y a longtemps, il y a plusieurs centaines d'années, il y a 50 ans. Ouais, on l'a dit, la bonne réponse. Je ne dis plus rien, maintenant. Oh, attends, à toutes les autres équipes, oui, on a réécouté tout. On a réécouté. Je vous ai déjà un peu aidé, là. Mais quelle couleur, alors? Est-ce qu'elle a une couleur particulière? Elle a une couleur. Oui. Ouais. Non, mais il ne va pas nous aider. Non, mais... C'est pas du sel. C'est pas du sel. Le sel, c'est pas une épice. Mais le safran, c'est hyper précieux. Ouais. Mais autrefois, tu vois, c'est quand même... Il faudrait nous situer un peu l'époque. Je lis exactement ta question. Hier, c'est autrefois. Voilà, hier c'est autrefois. Non, autrefois c'est plus loin que hier. C'était avant-hier alors. Sinon on dit hier. Curry, c'est pas mal aussi. Mais non. Curry. Alors, moi je valide la réponse de Zoé. Curry? Ouais, curry. Moi je crois. Sans vous l'aviez dit, hein. Voilà, vous l'aviez dit. Si ça commence par un C, faut qu'on a dit curcuma, curry. Tu nous as aidé sur ça? Non, j'ai dit que vous l'avez dit, donc c'est quelque chose que vous avez dit là. Mais ils ont validé. Non, mais on valide la réponse. Et je me permets d'insister. Hein. Ah, tu veux le safran? C'est-à-dire que je sais que pour enlever le safran, c'est le pistil du crocus. C'est super long à faire. Donc, par contre, voie de conséquence, long, c'est pas aussi. Non, mais je sais que ça vaut très cher le safran. Mais moi, je dis le curry. Regarde combien t'achètes de safran pour faire de la paella. Oui. Non mais c'est vrai que le safran est encore très très cher, Zoé aussi, bon, c'est vrai. Ouais. Allez. Combien est 5 safrans pure, bah, ils ont quand même validé, hein, je veux pas dire. Ils mais... ont validé le curé. Non mais il y en a deux qui ont validé. Non mais attends, on peut pas être à deux à valider. Ça a été validé. Oui, on peut être. On aura d'autres occasions de. Des 5 dans l'équipe. On est 5 dans l'équipe. Il faut valider à 5. Votez, faites votre vote. Il y avait une question quand j'ai dit on valide. Allez, on valide. T'as pas entendu mon. Non non. Mais si, je t'assure. On lève la main, ça se voit pas à la radio, mais. Valider, mais après la. Valide quoi aussi. Safran, tu m'offres le repas de ce soir. Non. Alors on a validé Curie alors ? Non, t'as pas de sous. Allez, on valide Curie ou pas ? J'ai de l'argent. Allez, on a plus que moi. Bon, allez, on dit Curie, tant pis. J'avais dit Curie. Ça rime avec tant pis. Et c'était... Curie. Le safran. Voilà. On l'a dit, ouais, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, on y va. Allez. Hop. Bien. Il a dit Curie. Allez, là, c'est bon. C'était le safran. Et pour l'explication que tu as donnée, Noémie, effectivement, le pistil, ça coûte une blinde. Ouais. Et c'est toujours. Alors, autrefois, c'est autrefois générique parce que c'est aussi. Encore maintenant. Hein. Maintenant, ah, oui. Hier, demain, enfin avant. Oui, mais moi, c'est cette autre fois qui m'a trompé. Moi aussi. Depuis ça, il y avait autre chose, c'était peut-être pas connu avant. Le curry, non, pourquoi le curry, ce serait cher? Je sais pas, j'ai l'impression que ce soit cher, le curry. Si. Non, mais c'est pas grave. C'était autrefois. Vas-y, Benoît. C'est pas grave. On le trouve pas énorme. Zoé, elle tire là derrière. Zoé, il n'y a pas de suspense, hein, c'est insertion puisque... Ah bon, bah merci Zoé. Question insertion. Allez. Mais c'était pas idiot le curé. Allez. Quelle grande entreprise embauche régulièrement des personnes autistes pour leurs compétences en informatique? Ah. Oh là là là. Une entreprise américaine? Française? On n'a pas choisi les nombres de points. Si, on a choisi le nombre de points. De toute façon, 5 points. On a utilisé les 10, tout le reste, ça sera à 5. 5. C'est française, tu as dit ? Non, pas française. Une grande entreprise qui utilise des personnes. Alors, américaine Pour les compétences en informatique, tu as dit. Alors, est-ce que son dirigeant fait partie des. Régulièrement des personnes autistes. Ouais. Alors, c'est vrai que je trouve qu'on ne. Voilà, c'est une entreprise qu'on ne valorise pas trop et que j'ai trouvé sympa, qu'on ne l'attendrait pas forcément là. Est-ce que son chef est l'un des hommes les plus riches du monde ? Il est pas mal, oui. C'est une entreprise de la Silicon Valley, c'est ça. Genre Google, Google, Facebook. Bill Gates. Mais il faut l'entreprise. Bill Gates, c'est quoi ? C'est Apple, Bill Gates ? Non, c'était Microsoft. Microsoft ? Mais il est plus à Microsoft maintenant, monsieur. Une grosse entreprise. C'est Microsoft, c'est bien. Qui est connu pour l'informatique ou qui est connu pour l'informatique ? Qui est connu pour l'informatique. Ah bah oui, donc. Ah oui. C'est Microsoft. Allez, Microsoft. Ça peut être IBM, ça peut être. Oui, ça peut être Apple. Mais il faut donner qu'une seule réponse, c'est ça le truc. Oui, Apple, c'est pas mal aussi. Mais Bill Gates, il était quand même philanthrope aussi, un peu. Donc, moi, je dirais Google. Tu dirais Google, c'est qui le patron ? Ouais, mais c'est pas informatique, Google. Alors, il a quand même dit que c'était pas forcément très connu. Non, qu'il fallait valoriser. C'est une entreprise très connue, mais c'est pas. C'est... Voilà, moi je l'ai découvert, je le savais pas. On n'en parle pas toujours en bien de cette entreprise. Voilà. Et là, non, mais Microsoft, c'est pas mal. Dans ce cas, c'est Amazon. C'est vrai que bon, mais. C'est Chine. Oui, ouais. Non, Microsoft, c'est bien. Moi, je vote aussi Microsoft. Ouais, moi aussi. Microsoft. Microsoft. Ça vote aussi. Dans l'équipe. Hein. Ouais. Il y a ouais, vote, mais hein. Oui. Alors, donc. C'est très démocratique. Non. Démocratique. Toi, tu dis Microsoft aussi ? Mal dit Curie. Curie. Oui, c'est ça. Non. Tu sais, Microsoft, c'est la petite fenêtre, là. Mm-hmm. Allez, vas-y. Windows. Qu'est-ce que tu dis ? Alors, c'est Microsoft. Allons-y. Pas Microsoft. C'est Microsoft. Oh, bravo. Yes. Quand même. Fait durer le plaisir parce qu'en on est une équipe très intuitive. Il faut pas qu'on s'écarte de nos premières. Faut pas qu'on réfléchisse de trop en fait. Parce que non, on n'est pas doué pour réfléchir. Mais par contre, pour donner les réponses comme ça, à l'instinct. Je remélange parce qu'on a fait un. Oups, on a fait un tour. Là, si tu veux, tu pourrais tirer au sort. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, tu peux retirer. Oui, Zoé, parce qu'elle nous porte chance. Oui, c'est vrai. Voilà, si t'as une question ou la réponse c'est curie, ce sera encore. Question cuisine. Allez, vas-y, on est reparti. Et tac. Insertion. Oh bah t'as l'air de Question insertion. Attention. Oula. C'est question réponse, donc on ne se trompe pas sous Hélène. Oui. Ah. Donc là. 5 points. Parce que tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, il y a une fois, elle a mis la réponse avant à la deuxième émission. Oui, j'ai écouté. Oui. Donc, de quelle émission s'agit-il ? Ouais, mais tu m'as pas donné le numéro. 33, oui, c'est vrai, si je donne pas le numéro, ça va être... Le médecin, docteur. Donc c'est le 33 Q pour... Là, c'est bon, Q33. D'accord. 33. Allez. Allez, on écoute. Le Japon, Nippon, en japonais, est un pays composé d'îles, plus de 6800, et il se trouve en Asie de l'Est, dans l'océan Pacifique. À l'est de la Chine, de la Corée et de la Russie, on l'appelle aussi le pays du soleil levant. Le Japon est connu pour ses montagnes avec de la neige, ses temples anciens, ses sources chaudes et ses villes animées. Il est aussi connu pour sa cuisine, qu'on mange ici aussi comme les sushis ou les soupes de ramen. Les Japonais célèbrent de nombreuses traditions comme le hanami qui consiste à admirer les fleurs et surtout les fleurs de cerisier japonais. Bah, j'ai envie de manger japonais maintenant. Ouais. Alors, j'adore les ramen. Oui, c'est une émission, j'ai déjà entendu ça, mais je ferais que c'est faut trouver week-end. L'émission. Avec le club Charles III ou ouais, c'est avec les enfants qui viennent. Les enfants là qui. L'émission. Ouais. Mmh. Bah, je vous laisse répondre, allez-y. Hein. Mais c'est non, mais c'est pas le week-end. Ils sont partis en plus. C'est pas le week-end. Non, c'est l'émission avec le club Charles III. Bah, si c'est avec le club Saint-Nicolas. Le club, voilà, Saint-Nicolas. C'est avec le club Saint-Nicolas. Et ça s'appelle club Saint-Nicolas. Non, ça s'appelle les podcasts de Saint-Nicolas. De Charles. De Charles III. III. Ah, si c'est bien ça, à moins qu'il y ait une subtilité. On écoute la réponse. Voilà. Et on salue Aurélie. Les podcasts de Charles III. Oh, ils ont quel âge alors ces enfants-là ? C'est 22 ans à peu près. Des enfants du quartier Charles III à Nancy. Eh oui. C'est formidable hein, comme Fadjet. C'est vrai. Ouais, tous les âges. Tous les âges. Effectivement, en plus, toi, tu amenais aussi de temps en temps. Ah avec, oui, je suis venue avec des élèves. Avec des élèves et des petits messages. Tu refais les messages de Noël cette année ? Non, mais fait on n'a plus le temps de rien faire. Pour faire des dossiers, des dossiers, des dossiers. Des dossiers et des... Chut, taisez-vous. Ok, on est à... On est à 35. 35. Oh là là là là là là. Allez, c'est la dernière. 25 minutes, ouais, bon, allez. Il faut une dure, là. Hein. Ouais, très dure. Mais c'est écoute, Benoît, ne t'inquiète pas, parce que s'il faut combler à la fin, on a prévu. D'accord. On a prévu quelque chose. C'est bien. C'est à qui ? Eh bien, allez, Noémie. Allez, hop, petite question pour Noémie. On vous avait dit hein, que c'était une équipe. Solidarité. Question solidarité. Et nous, on est solidaires. Mais c'est des questions insertion solidarité. Et les anciens, ils tapent... Les Halles. Ah. Ah. Oh, c'est bon. C'est la dernière question, donc on peut prendre un peu de temps. Non. Pourquoi ? Non, c'est encore plus compliqué que GESCODE. Je pense que ça peut... Un acronyme de 300 mots. Ça peut quand même le faire. Et là, c'est la première question un peu souvenir, parce que j'en ai fait plein, parce qu'on a fêté plein d'anniversaires, elles ne sont pas sorties encore. Quelle était la particularité du goûter solidaire organisé par Fadjet pour ses 30 ans ? C'était un petit train qui était fait par sœur enfin par le non, oui pour c'est les 30 ans un petit gâteau il y en avait alors je sais plus. Ah non, ça c'était peut-être pour il les 25 dans ans dans un univers parallèle je non, pense non dans les 25 ans alors c'était tu sais il y avait un petit train avec c'était pour les 20 ans. Ah oui, alors je confirme, trop loin. C'était pas pour les 30 ans. Par contre, alors les 30 ans, je sais pas. Alors, c'est 30 à l'extérieur. Ans, on était à l'autre canal. Ah, non, c'était les 25 ans, le concert à l'autre canal. C'était Fadjet Parole. Qu'est-ce qu'on en a fait des anniversaires ? Et le 30 ans, il y avait trois événements pour nos 30 ans. Il y en avait eu un à la MJC Pichon. Il y a trois événements. Et il y avait aussi sur le parvis de la cathédrale. Oui. Mais il y, avait une pas ça. Il y avait une particularité à ce goût. Il y avait une particularité. C'est là où il y avait eu un débat aussi à la MJC Pichon. Oui, tout à fait. L'emploi et... Et la particularité, bah aidez-moi. Hein, parce du que, petit. Du, alors, pas qu'est-ce que ça pourrait être ? Visiblement, c'est pas un petit train. Pas, est-ce que c'est ce qui se mange qui est particulier ? Oui. Non. Et c'est les invités. C'est la forme du gâteau ? Alors. Je parle de goûter solidaire, mais je veux pas forcément que vous me parliez de gâteau. Hein. Ah, mais moi j'ai compris. Alors relis ta question. C'est le terme, le goûter solidaire qu'on souhaitait organiser. Et ben, ça veut dire que tout le monde a amené quelque chose ? Mais il y a une particularité. Alors redis la question parce qu'elle n'est pas claire. Quelle était la particularité du goûter solidaire organisé par Fadjet pour ses 30 ans ? C'est une association particulière qui a offert le goûter. Une association d'insertion. Non. Ah mince. Mm-hmm. Le lieu qui était particulier ? Le lieu était particulier, oui, mais c'est pas forcément le lieu qui est important. C'est C'était en extérieur. C'est la comité du repas. ni le lieu, ni les personnes. C'est mais l'origine. Rien de faire un goûter. C'est plus l'origine, ouais. L'origine de ce goûter. Donc, c'était pas l'origine. Une association. Je me souviens qu'il y avait des stands sur le parvis de, les, oui. de la cathédrale et il y avait la maison du vélo qui était venue. Mais oui, on est d'accord. Avec, manger des chambres. Avec un vélo où tu pouvais faire de la soupe ouais. en pédalant. Mais ouais, ça c'est ça. Ah, bah, c'était ça. Alors, on a mangé la soupe, oui, ouais, non, on a pédalé. Mais, ouais, mais comment ça ? Je parle de l'événement. Il avait une particularité, cet événement. Alors, ah. bah, il était décalé d'un an à cause des attentats, mais je ne pense pas que ce soit ça la particularité. Bah, si, si, c'est ça que j'attends comme réponse. C'était pas la bonne année. C'était pas en 2020, c'était pas en 2015. Il était décalé d'un an. C'était en juin 2016. Eh oui, d'accord. Exactement. Ah, c'est ça. Parce que ça voilà. aurait dû aller avoir lieu en novembre, enfin en fin d'année 2015. Ah d'accord. Et donc à cause des attentats, il a été décalé en 2016, donc l'année suivante. Oui. Et donc il y a eu effectivement sur le parvis de la cathédrale toutes les animations que vous aviez évoquées, même si je ne pense pas qu'il y avait de gâteau avec un petit train. Non, mais c'était pour c'était, les 20 ans alors. Pour les 20 ans, ouais, c'est vrai. Mais tu as donné la réponse. Tu as donné la réponse sans qu'ils aient validé avant. Oui, mais bon, oui, il l'avait. Oui, on l'avait. De toute façon, 29-30, voilà, on 29, peut arrêter. 29-15. Oh, je vois parce que Edith a le chronomètre, donc je regarde son chronomètre, je ne sais pas s'il tient et à. Et donc, 29 minutes et une poignée. Il reste 10 minutes 41. Oui, c'est ça, ils sont à 10 minutes, ils sont 10 minutes d'avance. Bravo. Merci. C'était une équipe de compète, on vous l'avait annoncé, donc réservez votre 18 décembre. Parce que là, ça va quand même être très très difficile de faire mieux. Alors, on n'est pas sûr d'être tous là le 18 décembre. Donc, annulé. On fera le maximum, en tout cas. Voilà, donc dans quelques instants, bah, vous allez chanter. Parce oui. C'est effectivement le but quand on arrive au 40e marche. En attendant, peut-être votre deuxième choix. Vous aviez fait un deuxième choix musical. C'était oui. Au Petit Bonheur. Oui. Alors, c'est moi qui l'ai choisi. Tu me l'as mis dedans ou pas ? Et ça, c'est vrai que je n'en ai pas parlé avec les autres, mais j'avais dit, ah oui. Je ne sais pas si jamais il y avait. Oui. Parce que cette chanson me rappelle tout à fait l'époque où je faisais justement les émissions avec Daniel. Souvent. On passait la chanson Petit Bonheur, ça mettait la pêche, c'était vraiment notre chanson. Moi, et chaque fois que je l'entends encore cette chanson, elle me met la pêche. Voilà, donc j'espère que ce sera pareil pour nos auditeurs. Oui, et puis en plus je veux du soleil, en cette période où vraiment il se fait de plus en plus rare, on ne peut que faire appel à lui. Voici Au Petit Bonheur, je veux du soleil, et puis après tout de suite on écoutera chanter ensuite. De princesse et de cerveau. L'Académie Fadjet. Allez, 19h passé de 46 minutes, vous écoutez Fadjet, l'Académie Fadjet et les Alès, les Alphas, eh bien, sont en tête, ont pris la tête puisqu'ils ont fait une trentaine de minutes à peu près. Hein, un peu environ. Environ 30 minutes, donc quelques 4 minutes de moins que... 3 minutes de moins que ceux de la semaine dernière. Deux et quelques. Ouais, c'était pas... Ouais, c'était pas si loin que ça. Hein. Oui, c'est serré quand même. Avec le GESCODE un petit peu plus long. Mais bon, bref, c'est les aléas, tant mieux. Tant mieux. Alors, normalement, c'est vous qui chantez, mais apparemment, il y a de la révolution dans l'air. Ou... Si, on va chanter. C'est eux qui chantent. Ils chantent. Oui. Mais c'est toi qui vas deviner la chanson. Ah, c'est sympa, voilà. Ça. Voilà. Et d'abord, comme on s'est dit qu'on allait aller vite, on t'a prévu aussi un petit quiz. Alors, une première question pour toi avant qu'on chante. Et puis, pour Sue-Hélène aussi. Question cuisine. Une question cuisine, culinaire, donc. Oui. Quelle grande chaîne de restaurants est arrivée en France en 1985? McDo. McDo, ouais. Bon, non, c'est pas... J'avais 3 ans. Ouais, c'est... Non, 85. On t'aide un peu, c'est pas américain. C'est pas américain. Quick. Non, bah, pas du tout américain. Pareil, grande chaîne de restaurants. Il y en a encore aujourd'hui? Oui. Malheureusement. Oui, malheureusement, oui. Malheureusement. Malheureusement, oui. Ouais, malheureusement, oui. Ah, c'est un gros indice. Il y en a à Nancy c'est... D'ailleurs, oui, ils risquent de fêter leurs 40 ans. Oh, même dans les petites villes, il y en a. Les petites villes. Dans les petites villes. C'est un peu dans la nourriture fast-food aussi. Enfin, ça les kebabs. Mange rapidement. Non. Non. Fast-food. Fast-food, je sais pas. Non, je crois pas parce qu'on peut y rester longtemps. Ah bon, on peut y rester longtemps. Je pense. Enfin, je sais pas. Ouais. Une chaîne de. On n'y mange pas forcément. On n'y mange pas forcément d'ailleurs. Ouais. C'est pas le principe d'y manger. Grande chaîne de restaurants arrive en France à 85. C'est-à-dire. C'est un mec qui a lancé ça. Le bouillon. C'est un mec qui a lancé ça. Sort d'un mec qui a lancé ça. Le bouillon. Un italien, je crois. Une pizzeria. Non, mais il était français peut-être. Mais d'origine italienne. Pizzeria. Son nom est plutôt italien. J'ai dit pizzeria, mais non, c'est... Non, c'est vraiment l'histoire d'un mec qui a lancé ça. C'est un restaurant où on ne mange pas. Ah, les Restos du cœur. Voilà. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, oui. Voilà. 40e, mais d'accord. Voilà. Et, donc, et c'est justement... C'est une question. La chanson. Mais non. Ah bah oui, voilà. Alors oui, mais on attend peut-être Noémie pour chanter. Est-ce qu'on peut l'attendre ou... Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux répondre à une deuxième question? T'es prête? Vas-y. Question insertion. Voilà. Là, je pense que Benoît, il va être très fort. Il va être très fort. J'espère qu'elle ne me pique pas des questions qui sont dans non, la... Non, mais c'est une question pour toi. Ah, bon. Annonce. J'ai une petite idée de la réponse. Non. Sous quel statut ont été embauchés les premiers jeunes en contrat aidé à Fadjet? CES. Oui. Eh non. Ah, vous avez votre réponse? Vous l'avez validée? CES. Vous l'avez avant validé. CES. Ah non, on n'a rien validé. Avant. C'était en 85 à peu près. Hein. C'était quoi? Ouais. Non. Ça, tu sais, ça, Alain et Michel, je pense qu'ils étaient... L'époque, Oui, comment ça... Les tucs. Et que veut dire tuc? Oui. Les travaux d'utilité... Ah, c'est un peu comme le GESCODE, on se mange. Travaux d'utilité collectif? Oui, c'est ça. Travaux d'utilité collectif. Ouais. Oui, c'est ça. Bon. Les tucs. Ça se mange aussi. Mais... Bon, ça se mange aussi, ouais. Ça peut faire question culinaire en même temps. Eh oui. Mais, comme notre culinaire pouvait faire insertion. Oui, voilà, exactement. Tu vois, C'est une bonne question. Je la reprendrai peut-être, celle-là. Question musique. Bon, n'écoutez pas, chers auditeurs, elle pourrait ressortir, celle-là. En question sport ou musique? Musique, allez. Tu préfères quoi? Sport ou musique? Il nous en reste que deux, hein, parce qu'on n'avait pas prévu non plus de tenir. Musique. Tu sais pas ce qu'il y a. Quelles femmes ont chanté en double en 85 et 86. J'étais pas née. Enfin, j'avais 3 ans. Les femmes ont chanté en double. Oui. Karen Hunton et Bonnie important. Tyler. Alors attention, on n'a pas dit en duo. Hein. Oui. Ah, on dit en double. Bah, il y en avait pas une qui chantait toute seule et après elles ont repris en duo. Non, il y en a pas double. Dit en duo, on a bien dit en double. Un jeu de mots là. Non. Ah, mais tu nous connais. C'est une petite astuce. C'est français? Oui. C'est français. Céline Dion. Non. En 85, non. J'en sais rien. Peter et Sloan? Non. C'était pas un double. Un scoop. On n'a jamais dit qu'ils chantaient ensemble. Deux femmes, non. Non, c'est vrai. Chanter en double, c'est, ils ont repris la même musique, c'est ça? Non. Non, il y a un jeu de... Non, c'est par rapport au titre. C'est par rapport au titre, vous aide. Double, qu'est-ce que... Par rapport au titre. Moi, j'avais dit au début, quelles femmes ont bégayé en 85 et en 86. C'est deux chansons différentes. Mais qui ont le même titre. Et deux chanteuses différentes. Non, justement, pas le même titre. Elles sont encore vivantes? Alors là... Elles chantent encore? Il y en a une, je crois. L'autre, non, je non, sais pas. Non, elles sont toujours, toujours en vie. Mais je sais pas. Elles chantent encore? Il y a alors, une y a des deux chansons qui est ressortie un peu cette année. Tournée des années 80. Voilà. Des vacances que ça ressort. En double, c'est important. C'est souvent au moment des vacances que ça ressort, oui, c'est vrai. Il y a Lio? Non. Double, c'est très important. Alors, elles avaient peut-être la même particularité, cheveux, oui. De chevelure. Jeanne Masse. Oui, Zirales, Voyage, Voyage. Oui. Jeanne Masse. Là, voilà une. Et Jeanne Masse. Et Jeanne Masse. En rouge et noir. Non, non, en double. Titre. Double. Voyage, Voyage. Et Jeanne Masse. Ah, c'est, il est moins connu celui-là, peut-être. Il est moins connu. Ah oui, un autre titre. Masse de Jeanne Masse. Est-ce qu'elle a chanté Sauver l'amour? Elle a chanté. Alors, c'est un titre d'un grand chanteur, un des plus grands chanteurs. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ah, Johnny, Johnny. Et voilà. Et Johnny, Johnny. Oh là là. C'est pas mal, hein. J'aurais pu prendre Edith pour faire mes questions. Eh ben, voilà. Mais elle aurait pas pu participer. Hein. Non, du coup, elle aurait pas pu participer. Ça aurait été bien, en fait. Et la dernière question, sport. Alors, ça, c'est. La culture, mais Daniel, il dit que c'est facile. Voilà. Quel footballeur a donné son nom à une boulette? Moi, je suis pas foot. Donc. Alors là, faut remettre dans le contexte, mais... parce que okay. Ça va être compliqué. Une boulette. Je ne l'avais pas. Je l'avais pas. Voilà. Tu sais que t'es amateur de foot, quoi. Oui, ben bien sûr, je suis amateur de dans foot. Dans les années, de les débuts de la radio, donc 84-85. Une boulette, on disait, c'est une. C'est une erreur, une boulette, mais... Oui. Donc un footballeur, plus spécialement, donc... De quelle nationalité? Un Espagnol. Oh là. Bon, déjà, les Français, c'est mort. Un gardien de but. Ah oui, Schumacher. Non. Une boulette, espagnol. Une boulette. Non, mais c'est en 84, Espagne. 84. Après, il faut qu'on chante notre chanson, hein. Attention, 84. Platini, coup franc... Ah oui, putain. Ah, tu oui. L'as. Le ballon qui passe en dessous, c'est ça? Oui, sous son ventre. Ouais. Ça commence par un A, si je me souviens bien. Oui. Après, il y a un R. Oui. Après, il y a peut-être un C. Ah. Après, je sais pas. Attends, on va faire un acronyme. Alors, attends. C'est aller, Rion, chez. On l'a, on perd tout le monde. Chez Olivier. Ah, je trouverai pas. Arco. Oui, Arco. Coco Nana. Arconada. Oui, voilà. Ah oui, c'est vrai. Citation. Oh là là. Ah ouais. T'es 10 points. On a ressorti le Arconada. oui, c'est vrai. Arconada. Ouais. C'était pour une question cuisine, pour la boulette. Voilà, c'est pour ça. Enfin, du. Ouais. Non, mais voilà. Belle question. Voilà, voilà. Bien travaillé. T'as vu, hein, on a préparé notre émission. Très bien, merci. Ça me touche. Et alors donc on faut que je découvre vos chansons. Eh ben on voulait trouver une chanson qui déjà il fallait que ce soit écrit par Goldman. Ouais, bah forcément, voilà. Forcément. Pourquoi? Ensuite, il fallait que ce soit facile à chanter parce que voilà. De l'époque aussi. C'est vrai qu'on a des bandes. Et puis il fallait que ce soit en rapport avec la radio quand même. Mm-hmm. Qui est quand même une radio solidaire. Alors, quelle chanson? Et de l'époque aussi. De Goldman qui est facile à chanter. Qui est exactement de cette époque, que tout le monde connaît, et qui est solidaire. Et on ne peut pas plus solidaire. Famille, non? Ah. Tu es de ma famille? Non, on vient avec un mec qui a créé un resto. Alors, en voilà un qui n'est pas avec nous, en fait. On est dans une équipe solidaire, sauf un. D'accord. Oui, ok. Oh là là, oui. Non, mais je cherchais une chanson un peu du répertoire propre de Goldman. Oui, c'était le piège. Oui, c'est vrai. Voilà. On y va? Oh, allez, on y va, on est prêts. On fait chacun un truc ou on fait ensemble? Une phrase. Oh, on fait ensemble une phrase. Oh oui, il vaut mieux faire. Ouais, je file à rancard à ceux qui n'ont plus rien.